L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. On connaissait les planètes errantes, expulsées de leur système solaire et vagabondant dans le vide interstellaire. On connaissait les étoiles fugitives, éjectées, elles, de leur galaxie à grande vitesse et subissant le même sort. On connaissait les trous noirs supermassifs, errants eux aussi, projetés à grande vitesse lors de fusions de galaxies. Eh bien, il faut désormais aussi compter sur des galaxies errantes, devenues désespérément seules, éjectées de leur amas de galaxies, sans plus de politesse. C'est en 2013 que le premier spécimen de galaxie elliptique compacte, complètement isolé, fut observé. Alors que les astronomes pensaient jusque-là que ce type de galaxies étaient des galaxies qui avaient dû être dépouillées de grandes quantités d'étoiles par de plus grosses galaxies, ce cas isolé posait question. Comment avait-elle pu être produite, se trouvant seule comme ça? Une équipe d'astronomes s'est donc fixée comme objectif de répondre à cette question. Ils ont pour cela explorer de grandes quantités de données préexistantes à la recherche de galaxies de ce type rare, d'elliptiques compactes. Ils ont exploité ce qu'on appelle l'observatoire virtuel, qui n'est autre qu'une gigantesque base de données astronomiques, et plus particulièrement des données optiques provenant du Sloan Digital Sky Survey, SDSS, et des données en ultraviolet provenant du télescope GALEX, Galaxy Evolution Explorer. Ils ont trouvé 195 nouvelles galaxies compactes elliptiques, venant s'ajouter aux 30 déjà connues. La plupart d'entre elles se trouvent situées au sein d'amas de galaxies, mais 11 parmi celles-ci sont totalement isolées, en dehors de tout amas, mais avec des propriétés tout à fait identiques à celles contenues dans des amas. Les deux astronomes russes, travaillant l'un aux États-Unis et l'autre en France, publient leur étude dans la revue Science et y concluent que ces petites galaxies étaient auparavant comme les autres au sein d'amas de galaxies et qu'elles ont effectivement perdu une belle quantité d'étoiles récupérées par une galaxie plus grosse, comme pour les autres compacts elliptiques. Mais qu'elles ont dû rencontrer une troisième galaxie à un moment de leur histoire et cette rencontre a été fatale. L'interaction gravitationnelle à trois corps, dont deux de masse beaucoup plus importante que la troisième, a eu pour effet d'éjecter littéralement la petite galaxie compacte. Les astronomes ont produit un visuel pour expliquer le phénomène, que vous pouvez voir en haut de ce billet. C'est exactement le même phénomène que ce qui se passe lors de l'éjection d'une planète en dehors d'un système planétaire ou de celle d'une étoile en dehors d'un système multiple. Évidemment, ce qui est nouveau ici, c'est qu'il s'agit de toute une galaxie qui se retrouve donc propulsée dans le milieu intergalactique à grande vitesse et se retrouve totalement isolée. Les auteurs fondent leur proposition sur une estimation de la probabilité d'une rencontre à trois corps au sein d'un amas de galaxies et avec l'aide de simulations numériques. Sur la durée de vie d'une galaxie elliptique compacte qui vaut environ 2 milliards d'années, une grosse galaxie autour de laquelle gravite la petite galaxie elliptique compacte doit avoir subi en moyenne 3 ou 4 fusions avec des galaxies massives de plus de 10 milliards de masses solaires. En considérant que la galaxie compacte se trouve sur une orbite quasi-circulaire avec un rayon de 120 kiloparsecs, 400 000 années-lumière, que la troisième galaxie peut provenir de n'importe quelle direction et qu'une interaction gravitationnelle à trois corps se produit à une distance minimale de 20 kiloparsecs, les astronomes obtiennent une probabilité d'occurrence du phénomène de 6 à 8% pour 3 ou 4 fusions de galaxies. Selon Igor Shingarian et Ivan Zolotukhin, les galaxies elliptiques compactes qui sont observées isolées ont bel et bien une origine commune à celles qui sont observées au sein des amas, mais elles ont subi une éjection lors d'une interaction gravitationnelle entre grosses galaxies. Il apparaît que c'est une chance de survie pour ces galaxies qui, si elles étaient restées au sein de l'environnement violent d'un amas de galaxies, auraient fini complètement dépouillées de leurs étoiles par les grosses galaxies environnantes en quelques milliards d'années. Elles ont survécu, mais sont maintenant bien seules, à la dérive pour toujours. On trouve cet article dans Science de cette semaine sous le titre « Isolated Compact Elliptical Galaxies, Stellar Systems That Ran Away » par Igor Shilingarian et Ivan Zolotukhin. Restez bien à l'écoute sur le www.sasepasselahaut.fr. Restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. À très bientôt sur Ça se passe là-haut.